créé en 1990 et qui a pour but de soutenir les enfants atteints par le virus du sida ainsi que leurs familles. Extrait de l'album Solanci et interprété par le duo Calogero Elisa Tobati, on va partir en voyage. On va partir en voyage. Prévoyez dans vos bagages des plumes et des poils de rechange, quelques sandwichs et des oranges. On va partir en voyage. Demain sur la plage, à 7h sifflera la mésange. Ce soir dormez comme des anges. S'il faut traverser l'océan, même si c'est grand, pour sauver notre ami l'éléphant. Se sent encore plus bien, on irait, c'est sûr, c'est dans notre nature. On va partir en voyage, prendre une petite laine serait sage, car dans le pays où l'on va, les hommes. Je vous souhaite un bon voyage et vous adresse un dernier message. Que ceux qui souffrent du mal de mer montent à l'avant du mammifère. S'il faut traverser l'océan, même si c'est grand, pour sauver encore plus grand, pas de problème. Nous on l'aime, et s'il fallait aller plus loin pour qu'il se sente encore plus bien, on irait. Troisième coup de chapeau pour Dominique A. En 2005, il a participé au conte musical écologique Les Symphonies subaquatiques aux côtés de Jacques Gamblin, Agnès Jaoui, Marianne James et Kent. Rendez-nous la lumière, Dominique A. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché.